Passons à une autre phrase. Si tu ne m'avais pas comprise, je te l'aurais expliqué. Je vous rappelle que expliquer se dit spiegare. Mais commençons d'abord par si tu ne m'avais pas comprise. Et tout d'abord par si. C'est. Oui. Et après c'est, on emploie le subjonctif, puisqu'en français, on a un passé. Si tu ne m'avais pas. Donc, C'est non mi avessi. se non mi avessi comprise. Comme vous êtes une femme, vous dites comprise en français, même en présence du plongeoir avoir, puisque me ou m apostrophe, qui représente la personne qu'on a comprise, précède le verbe dans lequel on plonge. Si tu ne m'avais pas comprise. D'accord? Maintenant, faites la même chose en italien. Dites comprise au féminin. Capita. Se non mi avessi capita. Bien, se non mi avessi capita. Et la fin de la phrase, je te l'aurais expliqué. Te lo avrei spiegato. Te lo avrei spiegato, absolument. Je reviens au début de la phrase. A se non mi avessi capita. Cette traduction est correcte, mais il y a aussi une autre solution, parce qu'en italien, une femme pourrait dire également se non mi avessi capito, sans accorder au féminin le verbe dans lequel on plonge. Se non mi avessi capito. Exactement. Capita ou capito. Les deux sont possibles en italien, contrairement au français où il faut toujours faire l'accord. Les seuls cas où l'accord est obligatoire en italien, c'est quand la chose ou la personne est représentée par lo, la, li, le ou ne. Par exemple, si je mangeais une pomme, una mela, et que je dis je l'ai mangée, et eux, je vais traduire ça par lo, c'est-à-dire la contraction de la-o, lo, Mangiata. l'ho mangiata, je l'ai mangé, et eux. Maintenant, si j'ai mangé deux pommes, due mele, je dirai je les ai mangées, et es. Les représente alors un féminin pluriel, et se dit en italien les. L-E. Donc, je les ai mangés se dira Le ho mangiate. Le ho mangiate. Je les ai mangés. E-E-S. Maintenant, si j'ai acheté un livre, un libro, je l'ai acheté donnera L'ho comprato. Bien, l'ho comprato. Et si j'ai acheté deux livres, due libri. Je les ai achetés, se dira li ho. Li ho comprati. Très bien, li ho comprati. Avec lo, la, li, le et ne, l'accord du verbe dans lequel on plonge est obligatoire. Avec mi, par contre, comme dans la phrase si tu m'avais appelé, l'accord du verbe dans lequel on plonge est possible, mais pas obligatoire. Donc, une femme pourrait dire « se mi avessi chiamata », mais aussi « se mi avessi chiamato ». Tout à fait. « Se mi avessi chiamata » ou bien « se mi avessi chiamato ». Ces deux variantes sont possibles avec « mi ». Et aussi avec ti, chi et vi. Cela signifie qu'en parlant d'une femme, on peut dire se ti avessi chiamata, si je t'avais appelé, ou bien se ti avessi chiamato. Et au pluriel, si tu nous avais appelé, appelé E-E-S, comment diriez-vous ça? Se ci avessi chiamato. Ou Se ci avessi chiamate. Très bien. Se ci avessi chiamato ou se ci avessi chiamate. Et si le nous désigne un groupe d'hommes ou un groupe mixte d'hommes et de femmes? Se ci avessi chiamati. Oui, se ci avessi chiamati, mais aussi se ci avessi chiamato. Si je vous avais appelé, appelé E-E-S, donnera se vi? Se vi avessi chiamato ou se vi avessi chiamate. C'est ça. Se vi avessi chiamato ou se vi avessi chiamate. Tandis que si le vous indique des hommes ou un groupe mixte d'hommes et de femmes, on dira se vi avessi chiamato ou se vi avessi chiamati. Parfait. Se vi avessi chiamato ou se vi avessi chiamati. Revenons maintenant à la phrase de laquelle nous étions partis. Se mi avessi chiamata ou chiamato, si tu m'avais appelé. Dites maintenant, et si tu m'avais dit. Et se mi avessi detto. C'est ça. Se mi avessi detto. Se mi avessi detto. Que tu voulais la voir. Que... Comment dit-on tu voulais? Volevi? Oui, bien. Volevi. Tu voulais. Tu voulais la voir. Averlo. Averlo, oui. Maintenant, la fin de la phrase. Je te l'aurais donné. Te lo avrei detto. Attention, là vous avez dit, je te l'aurais dit, detto. Te lo avrei dato. Te lo avrei dato. Bien.